belle découverte, 18h-18h30. Bonjour à tous, vous êtes bien dans le label découverte puisqu'on est ensemble de 18h à 18h30. On va essayer de décortiquer l'album du Peuple de l'Herbe qui est sorti en septembre dernier. C'était donc le 29 pour être très précis. L'album s'appelle Next Level, il est sorti sur V-Records Records et on va en discuter tous ensemble pendant une demi-heure parce que bah, c'est un groupe qui tue. C'est un groupe qui tue justement le Peuple de l'Herbe et du coup c'est Gauthier qui nous présente ça. Le Peuple de l'Herbe, groupe de musique électronique français que tout le monde connaît depuis un petit bout de temps maintenant, qui s'est formé en 97, n'a pas fini de nous en mettre plein les oreilles. Tout d'abord impulsé par DJ P et DJ Stani, puis rejoint rapidement par Psychotic, un batteur de formation rock qui amène des rythmiques beaucoup plus agressives, d'un trompettiste, d'un MC anglais, puis de Spag pour les samples et la basse qui remplace le fondateur DJ Stani. Ou encore Sergine au chant, et encore une paire d'invités sur scène ou en album. Bref, il y a beaucoup de monde derrière ce petit peuple. Et après ces 6 albums qui dépotent plus les uns que les autres, Triple Zero, PH Test 2, Cube, Radio Blood Money, Tilt, A Matter of Time, excusez mon anglais, je suis français, merci. En passant par l'acid jazz, le drum and bass, le smooth jazz, le dub, le reggae, l'électro, la musique orientale, le funk et le hip-hop qui font la renommée du groupe, le Peuple de l'Herbe a décidé pour leur 7ème album qui s'appelle Next Level d'explorer des styles inattendus pour les fans. Alors vous allez me dire, c'est quoi comme style là, inattendu? C'est un peu étrange. C'est le cajun, le dance floor ou encore la balade. Bon, on avait aussi l'habitude des instruments variés, ils sont encore largement présents. Mais maintenant, on a intégré une guitare qui devient vraiment l'instrument mélodique et qui remplace la trompette. Mais ça reste bon, toujours, encore et toujours, du Peuple de l'Herbe, moderne et captivant. Et vu l'enchaînement des albums, je me dis que leur style, leur musique et leur public, et donc nous, n'a pas fini d'évoluer. Vas-y Florent, envoie la soupe. L'une des chansons les plus connues du Peuple de l'Herbe, c'est No Escape, There Is No Escape. C'est sorti en 2002 et c'était l'album PH Test dont tu nous as parlé tout à l'heure. Yep. What was that? Run the track! Yo! Yo, Joss! Oh, oh, no, man, man, about him. Oh, oh, no, man, man, about him. Oh, oh, no, man, man, about him. Oh, oh, no, man, man, about him. Oh, oh, no, man, man, about him. Oh, oh, no, man, man, about him. Come on, the herb. Herb on the herb, yo, Joss! Oh, oh, no, man, man, about him. Oh, oh, no, man, man, about him. Oh, oh, no, man, man, about him. Oh, oh, no, man, man, about him. Oh, oh, no, man, man, about him. Oh, oh, no, man, man, about him. Then while I'm watching at your place, keep on moving to the beat. Don't go through the kids, no space. What you gonna do, you know you can't stop. You're gonna miss the game with the Liverpool chat. This one part the white and the black. Fall in, teach you and the dreadlock. Take my time with the Liverpool scripture. Liverpool rapture, coming at ya. Coming running with a brand new style. Whoa, jumping bigger than what? Yo, and the football fans, yeah. And it's a bit wild. You can't match it with a brand new style. Purple the herbs, so you're wild. Oh, no, man, I'm on a body. Oh, no, man, I'm on a body. Oh, no, man, I'm on a body. Oh, no, man, I'm on a body. Dans la belle découverte, justement, on avait quelques anecdotes à vous expliquer par rapport à cet album-là en particulier, Next Level, celui qu'on va décortiquer ensemble ce soir. Gauthier, tu nous disais qu'il y avait des offres couplées alors. Ouais, en fait, c'est vachement sympa. Je savais pas que ça existait comme ça, mais c'est des offres couplées, concert plus l'album à prix réduit, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est vachement sympa. D'accord, donc en gros, justement, ils veulent pas forcément vendre un produit. Eux, ce qu'ils veulent, c'est justement aussi t'emmener un petit peu dans leur délire et te proposer de venir en concert. Donc, du coup, ils font une offre tarifaire. C'est plutôt sympa comme truc. Ouais, je l'ai pas regardé, j'ai pas regardé le prix exact, mais bon, je pense que ça doit être intéressant. Ok, Alex, tu as une petite anecdote là-dessus sur. Sur le dernier album ? Ouais, carrément. Sur le dernier album, faut savoir qu'il y a un nouveau musicien qui est arrivé. C'est un guitariste, un deuxième guitariste. Bon, bah voilà, il n'y avait jamais eu ça. Il s'appelle Varujan. Et puis, il était déjà présent en fait quand Le Peuple de l'Herbe avait participé au film Baise-moi, donc de Virginie Despentes. Je sais pas si ça te parle. Ça me parle pas des masses, mais j'imagine bien le scénario. Voilà, c'était un film choc hein, qui est sorti en l'an 2000 d'ailleurs, qui se connaissait déjà à cette époque. Donc Varujan vient justement faire la mélodie à la guitare durant le dernier album. Et voilà, donc ça change complètement ça, c'est l'univers clair. Du Peuple de l'Herbe. Exactement, parce qu'on va s'en rendre compte. Avant, moi, en tout cas, dans mon imaginaire, ce qui caractérisait justement Le Peuple de l'Herbe, c'est d'avoir justement cette espèce de drum and bass avec une trompette qui. Et pourquoi qui la trompette est plus là? Bah parce qu'il est juste parti quoi. Moi c'était ce que je kiffais le plus dans Le Peuple de l'Herbe. Bah je te comprends, c'est vrai que c'était un bon délire, mais j'ai pas l'information. C'était unique de quoi, moi qui fais de la trompette, tu vois. J'écoutais toujours Le Peuple de l'Herbe pour piquer les riffs quoi. Du coup je suis un peu dis. Du coup t'es orphelin de riffs. Ouais. Mais du coup moi qui suis guitariste, ça m'arrange plutôt pas mal. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et du coup c'est vrai que c'est totalement différent l'univers de ce nouvel album, et je vous propose qu'on écoute un petit morceau. Et ce morceau en l'occurrence s'appelle La Lune est une croche, encore une nouveauté. Maintenant, Le Peuple de l'Herbe chante de plus en plus en français. Et finalement, c'est plutôt pas mal parce que ça nous fait plaisir d'avoir des textes. On va en parler juste après. La chanson, c'est La Lune est une croche. Sur les bords d'un bayou, sur les points marécageux du Mississippi, dans le sud profond, sur les bords d'un bayou, sur les points marécageux du Mississippi. Ma ville est croche, Découverte, 18h-18h30. Rien à voir avec ce qui a été fait auparavant. Déjà, c'est super rare d'avoir un refrain aussi mélodique dans le pub de l'herbe. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à ça? Oui, effectivement, c'est vraiment un virage à 180 degrés par rapport à ce qu'ils pouvaient faire avant. Et donc, pour plusieurs raisons. D'une part, comme tu l'as noté, la voix qui est vraiment beaucoup plus chantée, beaucoup plus mélodique qu'elle ne peut l'être sur de la musique un peu plus électro, où c'est une voix un peu plus scandée. Carrément, c'est ce que tu appelles plus scandée, c'est simplement le flow qui tape vraiment sur la rythmique, voilà, pour faire ça. Plus du rap, quoi. C'est vraiment de la voix qui est utilisée comme un instrument rythmique plus que un chant au sens strict du terme. En fait, pour moi, le deuxième virage en 180 degrés, c'est quand même l'apparition de cet instrument un peu bizarre qui apparaît à certains moments de la chanson, qui est le violon, qu'on entend bien. On entend deux mélodies de violon, mais le son, il est très métallique comme ça, et donc du coup, c'est vraiment caractéristique d'un seul violon qui joue sur deux cordes en même temps, en fait. C'est tellement métallique, comme tu dis, ce son-là, on peut légitimement se demander si c'est pas en fait un violon normal qui aurait été samplé tellement de fois, tellement compressé, que ça donnerait ça, en fait. C'est une possibilité aussi, ouais. Un son de violon fait par un synthétiseur, pourquoi pas aussi, et effectivement samplé plusieurs fois. Mais là, pour le coup, moi, j'entends vraiment quelque chose comme deux mélodies différentes, mais la caractéristique du son me fait penser que c'est vraiment un seul violoniste qui joue ce qu'on appelle en double corde, qui frotte l'archet sur deux cordes en même temps, et donc qui fait des espèces de parallélisme entre les notes, mais c'est lui qui le fait tout seul. Et moi, si je te parlais de sample, justement, c'est parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le genre de rythmique et de mélodie qu'on retrouve en fait dans les basses de la country, et ce qui rappelle un petit peu le chant qui est aussi dans cette teneur là. T'as à se demander si en fait la base n'a pas été samplée pour rapprocher un chant actuel. C'est tout à fait possible, effectivement. Voilà, ça, en tout cas, ça donne un son vraiment inhabituel pour le peuple de l'herbe, parce qu'on est habitué vraiment à des grosses percus électro, et là pour le coup c'est quand même quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus mélodieux, et personnellement pour moi de beaucoup plus agréable. Bah, c'est sûr que ça change un petit peu, il y a beaucoup moins de rythmique, il y a beaucoup plus de mélodie, c'est un virage un petit peu étonnant, mais en même temps c'est vrai que souvent les groupes électro ont tendance à entre guillemets s'assagir, donc à être moins dans la provocation ou la percussion plutôt, ça peut se comprendre. Mais, après quand même là t'as l'impression que c'est plus le peuple de l'herbe, c'est un autre groupe quand même, hein. Oui, complètement. C'est tellement un virage, comme tu dis, à 180 degrés, que moi, jamais de la vie, je reconnais la touche peuple de l'herbe, mais même s'il y a une évolution dans un groupe, c'est bien. Mais quelque part, quand tu changes totalement de registre, quelque part, t'es plus le même groupe. On a du mal à retrouver. Et là, repères, j'ai l'impression qu'ils auraient presque dû créer un nouveau truc, et c'est vachement bien, c'est original, mais c'est plus le peuple de l'herbe, ça. À la lumière de l'album complet, on voit quand même que l'album est très hétérogène. Il y a beaucoup de styles différents, et cette chanson-là, elle est assez unique dans l'album. C'est la seule dans ce style-là. Après, on retrouve des ambiances beaucoup plus rock dans le reste de l'album. Quelques chansons encore un peu électro. Voilà, cette chanson, c'est un peu l'exception de l'album quand même, faut le noter. Fait, le peuple de l'herbe s'est tourné vraiment vers l'éclectisme, parce que l'album est à cette image-là, il y a vraiment tout plein de sonorités, plein de styles différents. Du coup, on peut pas leur donner un style à partir de cet album-là. C'est vrai qu'il faut connaître le peuple de l'herbe d'avant pour vraiment reconnaître la patte électro. Ça fait quand même depuis 97 hein, qu'ils tournent, les gars, donc ils évoluent aussi, quoi. Bah, c'est sûr. Donc c'est pour ça aussi, hein, ils peuvent pas toujours rester dans le même truc. Je pense qu'ils tentent, qu'ils essayent de nouvelles choses. Ça marche pas, là, en l'occurrence, ça a l'air de marcher, quoi. En l'occurrence, ce qu'on peut dire, c'est que dans tous les cas, c'est réussi. Peut-être que certains fans vont être un peu déçus de déstabilisés. Ouais. Voilà, déstabilisés, mais dans tous les cas, c'est réussi. Donc, le seul message qu'on peut leur adresser, c'est que c'est nouveau, c'est pas ce que vous faisiez d'habitude, mais c'est réussi. Tiens, d'ailleurs, pour justement étoffer nos propos, on va écouter la chanson Mon étoile rouge, et puis on revient après juste pour vous dire ce qu'on en a pensé, et en espérant que ce sera aussi bien que la première. Dès que je l'ai vu, fallait qu'on fasse la paire. Que pour ça j'aurais remué ciel et terre. Sans réfléchir j'ai plongé tête baissée, et j'ai perdu la boule après le premier baiser. Sa bouche, ses seins, son ventre, ses hanches, la façon dont nos corps se mélangent. J'avoue qu'avec elle je ne suis jamais retenu, et y'a rien de mal à ça, vive le fruit défendu. Ni Dieu ni mère me fout de la morale, laisse-moi kiffer les trains loin du confessionnal. Gardez vos prêches et vos bénédictions, notre union se consomme sans aucune permission. C'est le calice, l'élixir, le feu qui m'attire contre vents et huées. Jusqu'au bout de la satire, je suis toujours partant. Toujours au P, car je l'ai dans la peau et j'ai peur de l'OD. À ma louve, à ma douce, à ma zone, mon étoile rouge. À ma louve, à ma douce, à ma zone, mon étoile rouge. À ma louve, à ma douce, à ma zone, mon étoile rouge. À ma louve, à ma douce, à ma zone, à ma go, à la femme qui m'éclaire quand la lumière fait défaut. À son contact, j'ai mon corps en émoi. excès de chaleur, elle n'a qu'à claquer des doigts. Dans la chambre, au salon, dans la cuisine, à la rue, à l'affût ou à la pause, à l'usine, à l'arrière de la caisse, à l'hôtel, dans les bois, avec de la place ou à l'étroit. Le matin, à la fraîche, ou le soir tard, la gueule en friche, en vitesse, à l'arrache, en finesse, à la dérobée, cachée en stress, doux, tendre comme une caresse, ou torride comme l'orage en saison de sécheresse. Dans le noir, ou les yeux dans les yeux, maître ou esclave, c'est comme elle veut, je suis toujours partant, toujours au P, car je l'ai dans la peau et j'ai peur de l'auder. À ma louve, à ma douce, à ma zone, mon étoile rouge. À ma louve, à ma douce, à ma zone, mon étoile rouge. À ma louve, à ma douce, à ma zone, mon étoile rouge. À ma louve, à ma douce, à ma zone, à ma go, à la femme qui m'éclaire quand la lumière fait défaut. Jamais ne capitule, militante féministe, révolutionnaire, quand elle est sous pression, méfie-toi de sa colère. C'est mon Amazon, pas une bouffe des magazines. Belle et sexy, mais la verve assassine. Tous les cow-boys peuvent aller se rhabiller. Elle a toujours une balle pour eux dans son barillet. C'est ma partenaire et j'en suis fier. À la vie, à la mort, aujourd'hui plus qu'hier, je suis toujours partant, toujours au P, car je l'ai dans la peau et j'ai peur de l'ôter. À ma louve, à ma douce, à ma zone, mon étoile rouge. À ma louve, à ma douce, Amazon, mon étoile rouge. À ma louve, à ma douce, Amazon, mon étoile rouge. À ma louve, à ma douce, Amazon, à ma go, à la femme qui m'éclaire quand la lumière fait défaut. À ma louve, à ma douce, Amazon, mon étoile rouge. À ma louve, à ma douce, Amazon, mon étoile rouge. À ma louve, à ma douce, Amazon, mon étoile rouge. À ma louve, à ma douce, Amazon, à ma go, à la femme qui m'éclaire quand la lumière fait défaut. Belle découverte, 18h-18h30. Là encore, on entend vraiment une sonorité totalement différente de ce qu'on peut connaître habituellement du pop de l'herbe. J'étais en train de penser, justement, pendant la chanson, que peut-être le nom de l'album Next Level, ça voulait dire simplement qu'il voulait passer à autre chose et que c'était une étape suivante. Non, non, pas du tout, en fait. J'avais lu dans une interview que, en fait, ça n'avait complètement rien à voir. C'est juste que un nouveau son comme ça, c'est lié aussi à un nouveau musicien qui apporte sa patte, quoi. C'est pas une décision d'abandonner tout ce qu'ils ont fait et de refaire autre chose. Non, moi je pense que c'est juste une évolution, quoi. Qu'ils essaient de nouvelles choses sans perdre le cœur du peuple de l'herbe. Ce qui expliquerait justement cet aspect éclectique de l'album. D'où vient le nom du groupe ? Ouais, moi, je crois le peuple bien, de l'herbe. Moi j'ai une petite idée, mais j'ai peur de la dire. Bah dites. Bah moi je pensais que dans le milieu électro, souvent le public apprécie une certaine substance qui se rapproche à de l'herbe. Mmh. Et ben je pensais que justement ils voulaient rassembler ces gens-là, donc le public électro, hein, pas les gens qui fument. Sachant que leur logo quand même c'est un chien avec une feuille de cannabis dans la bouche. Alors est-ce qu'il y a un rapport ? Pas qu'ils ont voulu rassembler les personnes qui consomment du cannabis. C'est pas ça. C'est en fait en 97 ils croyaient encore que ça allait être légalisé. Ah. Mais c'est aussi dû au documentaire Microcosmos, ouais, en 1996 qui s'appelait Microcosmos, le peuple de l'herbe. D'accord, donc c'est en référence aussi à ça. En fait, et ils ont fumé plein de pétards et du coup, ils ont regardé Arte et ils se sont dit tiens, ouais, c'est fait pareil. Alors, le batteur psychotique était pris dans le groupe parce que il a réussi à prendre un morceau du groupe et le remixer en 2 jours. D'accord. Ce qui est assez hallucinant. Tu sais quoi, pour anecdote, même si j'aime pas Indochine, ils ont choisi l'un de leurs derniers instrumentistes. Alors, il me semble que c'est le guitariste, mais j'en suis pas sûr. Ils l'ont choisi parce que justement, c'était l'un de leurs plus grands fans. Ils le suivaient depuis le début. Et comme c'était un bon musicien en plus, quand ils ont eu besoin d'un mec en plus, c'est vers lui qu'ils se sont tournés. Comme quoi, continuez à suivre les groupes que vous adorez et continuez à pratiquer la musique. Avec un peu de chance, vous allez pouvoir les rejoindre. Et pour finir, une petite actu, il y a la sortie du nouveau LP Secret Stacella qui est sorti le 19 janvier, donc il y a pas si longtemps que ça, qui contient contient 4 inédits studio, un remix et 3 lives. D'accord, ça c'est super cool. Bah écoutez, je vais essayer de vous mettre des liens sur la page Facebook pour que vous puissiez aller écouter tout ça. En tout cas, merci beaucoup pour les petites anecdotes et les petites illustrations phoniques. Oui, j'invente des termes sur le pub de l'herbe, c'était bien cool. On va s'écouter What a Shame. Anthony, tu nous expliqueras un petit peu cette chanson parce qu'il y a tellement de sortes musicales sur le pub de l'herbe qu'il faut bien que tu nous expliques. Ladies and gentlemen, welcome to the featuring one and only Jinxie 001 and friends. Now I'm gonna do a little story. It's a true story, and I'd like to dedicate it to a special person, a lady I can't name. What a shame, I love a girl I can't name. Who's to say, who's to blame for the game? We playing the same magical mystery moments with the same dame. She's gone, the heart's strong. We re-meet on the beat and then carried on. Hear the tones, the telephone. Always at the office, never ever at home. What a shame. Urgent change, emergency plunge. I just clocked your man near the cafe. I understand what he do for new for true. Goddamn, I'm distraught. Can't be caught by some clumsy thought. Now stop, say slip away. And so we're taking out day by day. Découverte 18h-18h30. Voilà, on vient d'écouter la chanson What a Shame, une chanson quand même super énergique, un petit peu à l'image de tout ce qu'a fait le peuple de l'herbe. Mais moi, ça me. Je sais pas, moi, celle-là, elle me donne plus envie de danser que les autres, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer. En fait, moi, des trois chansons qu'on a écoutées du dernier album, c'est vraiment un troisième style en fait. Après le côté funky de la première et le côté un peu plus calme de la deuxième, là, on arrive dans un drum and bass, pur et dur, parce qu'il y a des couplets où il n'y a plus d'autres instruments que la batterie et la basse. Avec avec le chanteur. Et il y a ce synthé qui est avec un son très psychédélique en fait, des espèces de montées. Et donc on en parlait pendant qu'on écoutait la chanson, des effets sont mis sur la voix qui donnent ce côté très psychédélique. Et pour le coup là, la guitare n'est plus du tout rythmique mais ne fait que des apparitions très mélodiques. Et c'est ça qui tranche un petit peu avec ce que faisait le Peuple de l'Herbe avant. Parce que c'est vrai que la guitare elle était en soutien pour faire des skunks, pour donner le côté sautillant par exemple. Mais non, elle est mélodique et elle joue vraiment. Bah, d'ailleurs c'est pas le même guitariste, c'est peut-être pour ça. Ouais, bah c'est certainement pour ça. Et du coup ça me permet aussi de rebondir sur Mon Étoile Rouge qu'on a écouté tout à l'heure, où là on avait vraiment le dialogue entre les guitares électroacoustiques qui faisaient vraiment la rythmique avec les accords et la guitare électrique qui faisait vraiment un travail mélodique. Et donc il y avait un espèce de dialogue entre les deux guitares. Et là pour le coup il n'y a plus qu'une guitare, mais ce côté rythmique est remplacé très largement par la basse qui fait vraiment que des espèces de snap. Et ben voilà, on a décortiqué ensemble au moins 3 chansons du dernier album du Peuple de l'Herbe qui est sorti le 29 septembre 2014. Ce dernier s'appelle Next Level, il est sorti sur V Records. Il y a vraiment beaucoup de choses qui diffèrent par rapport au Peuple de l'Herbe dans un premier temps, mais effectivement c'est plutôt cool, plus d'éclectisme, plus de nouveautés, et donc c'est un très bel album que je vous conseille vivement. Juste pour finir, moi je vais finir sur les dates, les prochaines date du Peuple de l'Herbe. Ils seront le 22 janvier à Poitiers, le 23 janvier à Montluçon, le 24 à Limoges et le 28 à Paris au Trianon. Voilà, c'est maintenant la fin de ce label découverte. On a été ensemble pendant une demi-heure de 18h à 18h30 et on a décortiqué l'album du Peuple de l'Herbe qui s'appelle Next Level. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, toujours mercredi 18h à 18h30. On vous laisse avec la programmation habituelle de Fadjet. Et puis sachez qu'après il y a Archiphonique et enfin le menu étudiant. On vous souhaite une très bonne journée sur Fadjet. On vous fait des bisous. Merci tout le monde, ciao.